Brendan le Navigateur, construit entre 510 et 530, de l'an de notre Seigneur, des refuges monastiques à Ardfair et au pied du mont Brandon, Irlande. Puis il entreprit un voyage par bateau jusqu'au paradis, qui dura 7 ans. Parce que sa renommée en mer se propagea, et que des foules, pèlerins et disciples, se rassemblaient à Ardfair, des maisons furent construites, à Gellaru, Kilmalchedor, Brandon Hill, et Nistausker dans les îles Basket, afin de recevoir guidance par Brandan, le saint patron des marins et des voyageurs. Un jour en bateau, ils aperçurent au nord de l'océan, une haute grande montagne, avec des nuages de brume au-dessus, et une grande fumée qui sortait du sommet. Tout d'un coup, le vent poussa le bateau vers l'île de cette montagne, jusqu'à ce qu'il touche presque au rivage. Ses falaises étaient noires comme le charbon, et aussi droites qu'un mur, si hautes qu'on ne pouvait en voir le haut. C'est ici que le dernier moine, celui qui restait des trois qui avait suivi Brendan du monastère, sauta hors du bateau, et se fit un chemin jusqu'au pied de la falaise, en gémissant et pleurant tout haut. Malheur à moi, père, car je suis arraché de force loin de vous, et ne peux retourner. Les frères, effrayés, se retirèrent vite du rivage, et crièrent vers notre Seigneur en se lamentant fortement. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nous. Brendan vit clairement comment ce misérable se fit emporter par une multitude de démons, et brûla déjà parmi eux. Il dit, « Malheur à toi malheureux, qui t'es fait une si mauvaise fin de vie. » Un vent favorable dirigea le bateau vers le sud, et comme il regardait en arrière, ils virent le pic de la montagne projeté au ciel des flammes, au point que la montagne ressemblait à un bûcher brûlant. Après 7 jours de navigation vers le sud, Brandan aperçut en mer un nuage très épais. En s'approchant, on vit la silhouette d'un homme, assis sur un rocher, ballotté comme un petit bateau dans une tempête, et une toile suspendue devant lui sur 2 crochets. Voyant cela, certains frères pensèrent à un oiseau, d'autres à un bateau. L'homme de Dieu leur dit de cesser de discuter, et de se diriger directement à l'endroit. À son arrivée, les vagues s'immobilisèrent, comme gelées tout autour. Ils découvrirent un homme, assis sur un roc, que les vagues frappaient de tous côtés, jusqu'à la tête. Dans leur reflux, on vit le rocher où le misérable était assis, et devant lui la toile secouée des vents, qui lui frappaient le front et les yeux. Le moine lui demanda qui il était, et pour quel crime il avait été envoyé là. Et comment il avait mérité de subir un si grand châtiment? Je suis ce très malheureux Judas. Le plus méchant des commerçants, répondit-il. On m'a mis ici, non pour ce que je mérite. Car je n'ai aucun lieu de repentir. C'est par l'inexprimable grâce de Jésus-Christ, miséricordieuse patience du Rédempteur du monde, que j'ai ce rafraîchissant soulagement, en l'honneur de sa résurrection, comme l'est aujourd'hui ce jour de Pâques du Seigneur. Quand je suis assis ici, il me semble me trouver au paradis des délices, considérant l'agonie des tourments qui me sont réservés par la suite. Car nuit et jour, je brûle dans mes tourments, comme une masse de plomb fondu, au cœur de cette montagne que vous avez vue, que le Léviathan et ses satellites habitent. J'étais là quand votre frère perdu a été avalé, quand tout l'enfer s'est exalté en vomissant de grandes flammes, comme il fait toujours quand il dévore les âmes des réprouvés. Afin que vous connaissiez l'infinie miséricorde de Dieu, je vais vous parler du rafraîchissant soulagement que j'ai ici tous les dimanches, des premières vêpres secondes, samedi soir au dimanche soir. De la Noël à l'Épiphanie. De Pâques à la Pentecôte. De la purification de Marie la Vierge bénie à la fête de son Assomption. Tous les autres jours de la semaine, je suis tourmenté avec Hérode, Pilate, Anne et Caïphe. Aussi je vous conjure, par le Rédempteur du monde, intercédez pour moi auprès du Seigneur Jésus, pour que je reste ici jusqu'au lever du soleil. Que grâce à votre venue, les démons ne me tourmentent pas avant, ni ne m'entraînent dans cet héritage de souffrance, que j'ai acheté à mauvais prix. Que la volonté du Seigneur se fasse. Tu ne seras pas emporté par les démons avant demain, dit le moine. Il lui demanda alors ce que signifiait cette toile devant lui. Judas répondit : J'ai donné ce drap à un lépreux lorsque j'avais la bourse du Seigneur, mais comme il n'était pas à moi, je n'y trouve aucun soulagement, mais plutôt blessure. J'ai une fois donné ces crochets de fer où elle est suspendue, aux sacrificateurs, pour leur chaudron. Et avant de devenir disciple du Seigneur, j'ai mis la pierre où je suis assis dans la fosse d'une voie publique, pour éviter une chute. Le soir venu, une multitude de démons vinrent se placer en cercle et crièrent : Allez-vous-en. Nous ne pouvons parvenir près de notre camarade, à moins de vous éloigner de lui. Nous n'oserons voir la face de notre prince à moins de lui rendre son animal de compagnie. Donnez-nous notre proie, ne la gardez pas loin de nous cette nuit. Je ne le protège pas. Le Seigneur Jésus-Christ lui a permis de rester ici cette nuit, dit le moine. Comment pouvez-vous invoquer le nom du Seigneur de la part de celui qui l'a trahi ? Crièrent les démons. L'homme de Dieu leur ordonna, au nom de Jésus-Christ, de ne lui faire aucun mal avant le matin. Au petit matin, alors que Brendan se préparait à partir, une multitude innombrable de démons couvrit la surface de l'océan, en poussant d'affreux cris. Homme de Dieu, maudit soit ton arrivée et ton départ, parce que notre chef nous a cruellement fouetté de ne pas lui avoir apporté cette nuit son misérable prisonnier. Pas sur nous, mais sur vous soient ces malédictions. Béni qui vous maudissez. Maudit qui vous bénissez, dit le moine. Il subira double punition dans les 6 prochains jours. Car à cause de vous, sa punition lui a été épargnée la nuit dernière. Crièrent les démons. Vous n'avez aucun pouvoir, pas plus que votre chef. Mais seul le pouvoir que Dieu vous donne, menaça l'homme de Dieu. Je vous ordonne, au nom du Seigneur, de ne pas augmenter ses tourments au-delà de ce que vous avez l'habitude de lui infliger. Es-tu le Seigneur de tous ? Pour que nous obéissions ainsi à tes ordres ? Dirent-ils, non. Je suis le servant du Seigneur de tous, et tout ce que j'ordonne en son nom se fait. Je suis son ministre dans ce qu'il accorde, répondit le moine. Ils le poursuivirent de cette manière, avec leur blasphème, jusqu'à ce qu'il soit loin de Judas. Puis ils emportèrent ce misérable précipitamment en hurlant.